vue d'esprit, Pierre-Yves Moret. Y a-t-il eu plusieurs versions du Coran à l'origine? Quelle est l'histoire de ce texte, son évolution? Ce sont des questions centrales, parfois sensibles, et que de nombreux chercheurs n'ont cessé de travailler. L'invité de notre semaine en fait partie. Il s'appelle François Desroches. Il est l'invité de Jacques Mourican toute cette semaine dans une série réalisée par Yves Roulin. Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine à Vue d'Esprit. C'est donc vous qui nous la proposez, Jacques. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler cette semaine, vous nous faites entrer dans un débat qui divise les spécialistes du Coran et les fidèles aussi, les croyants. C'est la question de la diversité des sources du texte coranique et de l'histoire de la rédaction du Coran. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il faut rappeler que le Coran, dans l'esprit des musulmans, est, comme l'on dit, un texte incréé. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, si vous me permettez une expression un peu ramassée, il est Dieu. C'est-à-dire que c'est stricto sensu le sens des révélations qui ont été faites à Mahomet ou Muhammad, comme nous le dirons tout au long de la semaine, autour de 610. Voilà, c'est ce qui est au cœur des convictions des musulmans. Bien entendu, l'idée de dire qu'il pourrait y avoir plusieurs versions, même si on n'en est pas à dire que ce sont des changements radicaux, que ce sont des textes tout à fait différents. Mais enfin, cette idée-là pose problème. Or, notre invité de la semaine, François Desroches, qui est professeur au Collège de France, est, je crois qu'on peut le dire en France, probablement même en Europe, la personne la plus compétente pour répondre à cette question, pour l'excellente raison qu'il nous racontera dans un instant du reste, c'est que il est celui qui a le plus travaillé, un peu par accident, sur les manuscrits du Coran que l'on a pu retrouver au fil des siècles. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Alors, maintenant, avec toute une école de gens qui cherchent avec lui, mais enfin, il est le référent, en quelque sorte, il a trouvé que, bah oui, il y avait des variations, quoi. Alors, vous savez bien que il y a une perspective très polémique, qui est celle qui est introduite par le chiisme, puisque vous avez un certain nombre de penseurs qui, dans le monde chiite, disent que il y a même eu, en quelque sorte, un Coran caché, si vous voulez, un Coran qui a été mis de côté. Bon, le débat est ouvert. Le point qui est très intéressant, je crois, dans ce qu'on va dire cette semaine, c'est qu'au fond, on se retrouve là dans une démarche qui rappelle un tout petit peu ce que on a fait à propos de la Bible. Ça fait à peu près 3 siècles que, voilà, il y a une école de théologiens qu'on appelle historico-critiques, c'est-à-dire des gens qui relisent le texte puis qui disent « est-ce que ça se peut ?» Et puis qui essaient de voir précisément à partir de quand on peut considérer que ce texte a été écrit plutôt que celui-là, de les mettre en contexte précisément dans leur époque. Absolument. Alors au fond là, on est un petit peu devant une démarche qui a des liens de parenté avec celle qui a été faite pour la Bible. Et puis tout simplement, une confrontation entre différentes versions et quand même une certaine interrogation, pourquoi il y a eu plusieurs versions? C'est le cœur de notre semaine d'entretien. Alors, on le rappelle, votre invité François Desroches est professeur au Collège de France. Il a été nommé, il est entré en fonction en début d'année. C'est une chaire toute nouvelle, mais ça dit aussi l'importance de ses recherches et de sa figure. En fin de semaine, vous nous ferez entendre un peu mieux aussi comment est-ce que lui-même en est venu à pouvoir travailler sur ces documents et comment est-ce qu'on a retrouvé certains de ces documents. C'est une histoire assez intrigante, presque à la Indiana Jones, oui, pour un reprendre peu, oui. Vos expressions, Jacques Mourican. Alors pour ce premier volet, on va parler un peu plus précisément de la question générale qui intéresse François Desroches. C'est-à-dire que effectivement, on dit Indiana Jones, c'est un peu ça. C'est-à-dire voilà un homme qui brutalement se trouve par des hasards qu'il va nous expliquer devant un volume absolument colossal de documents. C'est un peu la, si vous voulez, la chasse au trésor, ou en tout cas le placard au trésor qu'il a trouvé. Et c'est vrai que ces documents dormaient depuis 150 ans. Il est l'homme qui a fait que ces documents ont été examinés. En effet, j'ai été amené à lui demander dans quelles circonstances tout ça s'était passé. « François Desroches, nous allons parler avec vous des conditions de la mise par écrit, au fond de la naissance du Coran. Mais il faudrait peut-être tout d'abord qu'on fasse un tout petit peu connaissance avec vous. Que travaillez-vous et comment en êtes-vous arrivé là ? L'histoire est un petit peu curieuse puisque à l'origine je suis spécialiste d'Éthiopien et plus généralement sémitisant. C'est un peu par hasard à la fin des années 70 que à la Bibliothèque nationale où j'avais trouvé un poste, on m'a demandé de faire le catalogue des manuscrits du Coran. Et à l'époque, assez naïvement, j'avais accepté en me disant « c'est un sujet tellement battu et rebattu que en 2 ans, j'aurai terminé et je retournerai à mes études éthiopiennes ». Et vous voyez, donc 30 ans plus tard, je suis toujours englué dans le Coran, enfin si je peux employer ce verbe, tout simplement parce que au cours de cette expérience à la Bibliothèque nationale, je me suis rendu compte des possibilités énormes qu'offrait le texte du Coran et les manuscrits du Coran, surtout pour donner accès à lui, puisque c'est là un petit peu ma spécificité. Tout au long de ma carrière, je me suis intéressé aux textes coraniques tels que le portaient les manuscrits, puisque le texte est resté manuscrit jusqu'à une époque assez récente, l'imprimerie étant devenue commune dans le monde musulman à partir du 19e siècle seulement. J'ai sans doute été très influencé par une approche qui a connu un certain succès en France, l'histoire du livre. C'est vrai que cette approche m'a permis de remettre le Coran dans son contexte en tant que livre, au sein de la société musulmane, et aussi d'être très attentif à ses différentes facettes. Et donc, dans un premier temps, j'ai travaillé sur des collections de manuscrits anciens du Coran, à Paris, donc, comme je l'ai dit, puis plus tard à Istanbul, où j'ai été pensionnaire de l'Institut français. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore terminé mon travail et j'ai reçu un coup de pouce salutaire de la Fondation Van Berchem de Genève qui m'a permis de passer 2 ans supplémentaires pour terminer cette étude. À mon retour en France, je suis devenu assez rapidement directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où je me suis intéressé donc à l'histoire du livre, mais tout en donnant bien sûr la préférence aux manuscrits du Coran et aux manuscrits les plus anciens, qui sont, me semble-t-il, ceux qui doivent être examinés les premiers. Et c'est donc ces travaux qui m'ont amené, là où je suis maintenant, depuis quelques mois seulement, au Collège de France, où je suis titulaire de la chaire Histoire du Coran. Alors, on aimerait bien, avant que d'aller plus loin, se représenter exactement quel est votre travail. Vous imaginez à votre table de travail, quelle est votre matière première ? Alors, ma matière première, elle est constituée par des sortes de poubelles. Je veux dire par là que nous avons la chance de ce que, un petit peu comme dans la tradition hébraïque, les musulmans avaient un grand respect pour la chose écrite, pour le mot écrit. Donc très tôt s'est posée à eux la question de savoir que faire avec les manuscrits du Coran qui étaient en mauvais état et dont il fallait se débarrasser. Donc la première option, c'était d'utiliser les restes pour faire de la reliure, reliure de manuscrits du Coran bien sûr. Et la deuxième, c'était de les entreposer dans des endroits où, en principe, ils ne couraient aucun risque d'être souillés. Généralement, ces endroits étaient situés dans des mosquées, et nous avons la chance d'avoir 4 dépôts de ce genre. Le dépôt de Damas, dans la grande mosquée des Omeyyades, le deuxième, en continuant vers l'ouest, Sana, donc dans la grande mosquée de Sana, entre le plafond et le toit de la mosquée, découvert par hasard en 73. Puis à Foustat, un dépôt qui est connu depuis longtemps. Foustat, c'est donc maintenant une partie du Caire, mais c'est la première fondation musulmane en Égypte, et c'est donc la plus ancienne mosquée qui recevait ces restes de manuscrits. Et puis le dernier, encore plus à l'ouest, en Tunisie, à Kairouan, toujours dans la grande mosquée, où il a été découvert, entre guillemets, parce que dans tous les cas, les gens sur place savaient que ces dépôts existaient, dans la mesure où ils apportaient éventuellement de nouveaux manuscrits pour les y déposer, mais disons qu'ils n'étaient pas connus au-delà des limites de la ville. Et donc à Kairouan, on s'est rendu compte de son existence, finalement assez tardivement, à l'extrême fin du 19e siècle. Au fond, cette détermination des circonstances dans lesquels le Coran a été mis par écrit. Pourquoi c'est important ? Alors, c'est important parce que c'est un enjeu. Alors, je vais faire un petit détour. On a beaucoup prêté attention au sens que le mot « livre »,« kitab », a dans le Coran. Et en particulier, Daniel Madigan a fait un très beau travail d'enquête sur le sens de ce mot, et il arrive à la conclusion que le mot, en fait, n'a pas dans le texte le sens de livre, ou du moins pas de manière prioritaire, mais plutôt le sens d'écriture. Et personnellement, je suis troublé par le fait que, au début de l'islam, mais vraiment dans les premières décennies, parce que là on parle de choses qui se passent très très rapidement, on a une espèce d'explosion de production de manuscrits et, d'après les récits de la tradition musulmane, une explosion aussi de textes concurrents qui commencent à circuler, comme si la mort du prophète avait en quelque sorte ouvert à la possibilité de faire des livres. Et je pense que c'est effectivement un petit peu ce que les gens de l'époque avaient besoin. Encore une fois, dans le Coran, on a le paradigme des gens du livre, des peuples du livre, par lesquels on désigne essentiellement les chrétiens et les juifs qui ont un livre qu'ils peuvent tenir dans leurs mains. Et pour les musulmans, cette écriture était retardée, elle venait par petits morceaux, et de toute façon, elle n'était pas possible d'exister dans la mesure où le Coran s'accumulait de manière pas forcément désordonnée, mais imprévisible. C'est-à-dire que le Coran, tel que nous l'avons maintenant, est constitué donc de chapitres, les sourates, dont la formation ne correspond pas à un processus de récitation, d'annonce ou d'écriture qui est linéaire. On sait, là encore par la tradition musulmane, que c'est plutôt un processus d'accumulation successive par ajout qui venait prendre place à la fin de quelque chose qui était déjà dit, puis après ça, les révélations suivantes allaient à un autre endroit. Donc, tout cela n'est pas compatible avec la logique du livre, qui est finalement celle d'une logique linéaire, commençant à la page 1 jusqu'à la page, mettons, 300. En revanche, une fois que la voix qui annonçait se tait, à ce moment-là, on peut enregistrer, puisque l'ordre soit avait déjà été mis en place par Mohammed lui-même, soit est décidé par les gens qui ont reçu les révélations et commencent donc à les noter en les organisant de la façon qui leur semble le plus convenable, puisque nous ne savons pas très précisément qui, finalement, a organisé le Coran tel que nous le connaissons. Nous avons quelques textes qui nous disent que Mohammed disait « ce verset vient dans la sourate tant », mais à aucun moment il ne nous est présenté disant « la sourate telle et telle vient avant ou après telle autre ». Donc ça, ce processus-là reste dans l'ombre, nous le captons justement dans les premiers manuscrits, et ce qui est intéressant, notamment grâce à la trouvaille de Sana, c'est que nous voyons qu'une information qui était conservée par la tradition musulmane, mais dont on ne savait pas trop quelle était sa réalité, est bien vraie. Il y avait d'autres classements, et à Sana'a, nous avons donc des Corans qui ne sont pas rangés comme la version qui est maintenant la version que je vais appeler canonique, même si le mot canonique est un mot qui en lui-même prête un petit peu à discussion, dans la mesure où le canon, bon, c'est la référence aux écritures chrétiennes, et on ne parle pas du tout de la même chose. Oui, mais je suis étonné que dans la réponse que vous me faites, vous ne souleviez pas ce qui m'a immédiatement intéressé à vous écouter, c'est qu'au fond, si on admet que le Coran est supposé incréé, une sorte de don de Dieu, et quelque part Dieu. L'idée qui va nous occuper tout au long de cette semaine, qu'il y ait eu ce que l'on pourrait appeler au minimum des variations éditoriales, et qui, si j'ai bien compris, est votre fonds de commerce, évidemment pose un sérieux problème doctrinal, car comment peut-on être Dieu si on varie ? Alors, ça c'est un problème de fond, un problème qui, de toute façon, existe même si on fait abstraction des manuscrits du Coran. L'exemple le plus classique, c'est la consommation du vin. Nous avons trois versets qui s'y rapportent. L'un qui présente le vin comme une nourriture excellente, un deuxième qui dirait un petit peu comme on le fait à l'époque actuelle, consommer avec modération, et puis un troisième qui interdit. Donc le troisième, bien sûr, abroge les deux autres, mais effectivement, au regard de l'éternité, on peut se dire comment se fait-il que Dieu, qui parle, puisque le Coran c'est directement la parole de Dieu, comment peut-il varier? Alors ça c'est effectivement un problème, mais qui est beaucoup plus déjà présent dans le texte lui-même, indépendamment des variantes qu'on va découvrir et qu'on découvre dans les manuscrits, qui montrent que, en plus de ces divergences d'opinion de Dieu le Père, il y a en plus des divergences dans les textes. Et ça aussi, c'est finalement quelque chose pourquoi on n'a pas lieu de s'alarmer beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de musulmans sont assez choqués quand je parle de variantes qui ne sont pas enregistrées, mais la tradition musulmane nous dit bien qu'il y avait d'autres Corans, et la découverte de Sana a eu cet effet extrêmement bénéfique de montrer que effectivement il y a eu d'autres Corans qui n'annoncent pas forcément des choses très différentes, mais qu'il annonce avec d'autres mots, qu'il annonce dans un ordre différent, et qui, du coup, donne à penser qu'il y a eu un travail éditorial sur les messages transmis par Mohammed. Et ça, c'était une des choses les plus passionnantes, justement, dans le travail des manuscrits, c'est qu'on peut, je crois, s'approcher d'assez près de la façon dont les gens ont travaillé. Alors, bien sûr, on n'aura pas toutes les réponses, mais je crois que c'est une piste qui est complètement neuve et qui permet d'apporter quelque chose d'important, y compris pour les communautés musulmanes de l'heure actuelle, jeter un coup d'œil peut-être un petit peu différent sur le texte et réfléchir sur son historicité. Vous m'amenez là une question très naturelle. Quelle est la contribution de vos collègues des milieux académiques musulmans au type de recherche que vous menez ? Il y a une réponse en deux temps, ou en trois temps. Il y a bien sûr des gens qui sont assez réservés et qui considèrent que le Coran n'a jamais bougé. Ma première expérience avec cela, c'était il y a ça quelques années, au moment où j'étais en train de préparer avec un collègue italien le premier facsimilé d'un des premiers manuscrits, d'un des plus anciens manuscrits que nous possédions. Et comme c'était dans un cadre de rencontre entre les rives nord et sud de la Méditerranée, nous avions accepté de montrer quelques feuilles de ce facsimilé avec les reproductions photographiques du manuscrit et la transcription. Et je me souviens de jeunes, puisque c'était les gens qui étaient là étaient, disons, dans la trentaine, de jeunes musulmans et musulmanes, regardant la vitrine où étaient exposées les choses et s'exclamant « mais ça n'est pas le Coran ». Effectivement, l'orthographe n'était pas celle du Coran qu'ils avaient l'habitude d'avoir entre les mains. Il y manquait les voyelles, il y manquait beaucoup de choses. Mais pourtant, c'était le Coran. Mais pour eux, ça n'était pas le Coran. Donc il y a des gens qui, d'emblée, parce qu'ils ont appris autre chose, disent « non, c'est pas possible ». Et puis, donc, il y a des gens qui, dans les milieux musulmans, au contraire, voient avec intérêt ces recherches dans la mesure où elles ont pris place de manière accidentelle, d'ailleurs, après la publication par John Wansbrough de ses Quranic Studies, où il faisait l'hypothèse que le Coran avait été mis par écrit à la fin du 8e, voire au début du 9e siècle. Et ça avait beaucoup choqué les milieux musulmans qui voyaient ça vraiment comme une provocation. Et donc, quand on travaille sur les manuscrits du Coran et qu'on arrive à des datations de la seconde moitié du 7e siècle, sans parler bien sûr des problèmes générés par le carbone 14, sur lesquels, bon, il faudra peut-être revenir. Quand ils voient donc ces propositions de datation, bon, ils sont très rassurés de voir que finalement l'histoire était à peu près celle qu'on leur avait dite et qu'il n'y a pas eu, disons, de complot ou de manipulation absolument scandaleuse. Et puis, ça c'est un groupe plus minoritaire de collègues musulmans qui, eux, sont vraiment très intéressés par ces possibilités de recherche parce que, justement, la dimension historique du texte est un élément qui leur paraît intéressant de prendre en considération et également de voir finalement comment la canonisation, je reprends une fois ce mot, comment la canonisation s'est faite dans la mesure où c'est un processus où, de toute évidence, même si on a eu le plus grand respect pour le texte divin, il y a une intervention humaine. Et ce qui est le plus intéressant encore, on n'a pas hésité à changer les règles du jeu, en l'occurrence celles de l'écriture, pour arriver à noter de manière aussi satisfaisante que possible le texte du Coran. Si les décisions n'avaient pas été prises au 8e siècle de faire ces innovations, le texte que nous aurions aujourd'hui serait sans doute conforme à celui que je trouve sur les plus anciens manuscrits, mais qui est difficile à lire, y compris pour un arabophone. Alors je voudrais en terminer avec les préalables, en purgeant une observation que vous venez de faire, mais qui mérite probablement d'être prolongée. Je suppose que pour nous, et beaucoup de gens qui nous écoutent, le fait que on parle de religion du livre, du reste pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, dans un moment où quand même semble prévaloir l'illettrisme à quelque chose de vaguement exotique quand même. On a un peu de peine à comprendre que, semble-t-il, l'autorité soit l'écrit lorsque l'écrit est si probablement absent de la vie du peuple en général. Naturellement, je ne parle pas des érudits. Alors, comment pensez-vous que l'islam, en quelque sorte, règle le problème ? C'est une question de fond, une question, ou plus exactement un paradoxe, qui existe depuis longtemps, puisque, comme je l'ai dit, l'impression, et c'est plus qu'une impression, que l'on a quand on travaille sur les manuscrits, c'est qu'il y a une espèce d'obsession de produire autant de Coran que possible, de manuscrits du Coran que possible. Je suis longtemps resté absolument sans me rendre compte de ce dont on parlait. Bon, je m'amuse beaucoup à faire cette comparaison parce qu'elle est, à mon sens, très significative. Quand on compare à la Bibliothèque nationale de France le fonds de manuscrits coraniques qui correspond donc à celui de Foustat rapporté par un arabisant français du XIXe siècle et les manuscrits de la Bible, Ancien et Nouveau Testament confondus d'époque carolingienne, c'est-à-dire qui correspondent chronologiquement à la même période, il y a beaucoup, beaucoup plus de Coran que de Bible, tout simplement parce que il y avait une espèce de véritable frénésie à constituer des bibliothèques coraniques représentant des investissements en termes de livres, tout à fait considérables. Alors ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que les gens qui soutiennent avec le plus de détermination, je parle de gens qui vivaient à la fin du 9e, début du 10e siècle, qui soutenaient avec le plus de détermination la transmission orale, sont les premiers à dire que le texte est bon si ce qu'on récite correspond à ce qui est écrit. Donc il y a un jeu d'aller-retour entre l'oral et l'écrit qui est permanent. En fait, encore une fois, on a l'impression que l'écrit, on le cache un petit peu parce que il est quelque part un peu difficile à manipuler, et d'un autre côté, on en a besoin parce que c'est finalement ça qui donne un statut de religion à part entière à l'islam au contact des religions juives et chrétiennes où, de toute évidence, les gens se sont rendus compte que les manuscrits de la Bible jouaient un rôle très important. Et ils se sont rendus compte également que pour arriver à stabiliser le texte, il fallait l'écrit. Dans les récits de la tradition musulmane sur la mise par écrit du Coran, c'est très frappant que, même si ces récits ne sont pas à prendre à la lettre, ce sont plutôt des mises en scène destinées à faire comprendre ce qui s'est passé, à deux reprises, donc, dans ces récits, l'un concernant le premier calife, l'autre le troisième, Osman, celui qui a eu le plus à qui on prête le plus dans ce domaine, on a exactement la même situation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met par écrit? Et la réponse est oui, parce que l'écrit va nous donner quelque chose qui nous évitera dans un cas d'oublier complètement, dans l'autre d'avoir des divergences textuelles comme les juifs et les chrétiens. Donc il y a cette idée que l'écrit est ce qui va sauver le texte du Coran, ce qui est, encore une fois, à prendre en considération quand on pense que, par ailleurs, très souvent, on vous dit « Ah ben non, c'est le Coran, il est dans le cœur des hommes, dans la mémoire des hommes, c'est ça qui le fait vivre. » En fait, les gens étaient très conscients que la mémoire était faillible et que les feuilles de parchemin étaient sans doute beaucoup plus efficaces pour éviter qu'on aille à droite ou à gauche. Cela étant, quand on voit le texte du Coran tel qu'il est au 7e siècle, on se dit que l'écriture laissait encore beaucoup trop de marge de manœuvre et qu'il fallait sans doute, et c'est ce qui a été fait par la suite, apporter des améliorations qui permettaient d'avoir un texte correspondant grosso modo avec ce qu'on pouvait écouter et non pas simplement considérer que c'était à peu près ce qui devait se réciter. C'était François Desroches, professeur au Collège de France, islamologue et spécialiste des questions de l'histoire du Coran et de l'histoire de la rédaction du Coran et qui répond toute cette semaine à votre micro, Jacques Mourican. Alors demain, nous allons continuer avec lui, Jacques. Aujourd'hui, on a évoqué les bases générales de ces questions-là, notamment ce rapport entre le parler et l'écrit, dont on va continuer de parler les jours suivants. Et bien sûr, on va aussi parler demain de la figure centrale de l'islam et donc aussi du Coran, Mahomet. Oui, bien sûr, il faut maintenant que nous entrions, si vous me permettez l'expression, dans du dur. C'est-à-dire, comment est-ce que ça s'est passé? Et puis d'abord, tout simplement, qu'est-ce que le Coran, le cas échéant, nous dit, et surtout en fait ne nous dit pas, sur les circonstances de la révélation faite, et des révélations faites à Mahomet. Et on verra demain que c'est extrêmement important. Enfin, le déroulement même de cette histoire a de l'importance pour ce qui sera par la suite la constitution du Coran. Très bien Jacques, merci. On vous retrouve demain à 16h30 pour le deuxième volet de cette série d'émissions. Je rappelle que c'est une série qui a été réalisée par Yves Roulin et puis que vous avez placé, Jacques, des références supplémentaires sur notre page internet rts.ch/esprit, notamment un lien sur la page de François Desroches, votre invité au Collège de France, et page par laquelle on peut assister à des conférences vidéo. Hein. C'est formidable. Hein. Je veux dire, c'est vraiment c'est passionnant. C'est long. Je vous cache pas que je l'ai écouté en repassant mes chemises, mais c'est absolument formidable. Et puis, il est juste de dire que il s'agit en particulier d'un colloque qui a eu lieu au début de cette année, qu'il n'y a pas que François Desroches, qui en même temps nous permet de comprendre qu'il y a toute une école de gens qui réfléchissent à ces questions. Très bien, alors je rappelle notre adresse internet par laquelle on peut trouver tout ça, rts.ch/esprit. C'est la fin de cette édition. David Esprit, merci de nous avoir suivis. Demain, nous poursuivons cette interrogation sur l'historicité des textes du Coran avec François Desroches, invité de Jacques Mourican. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à consulter notre page internet rts.ch/esprit. Vous y trouvez toutes les informations relatives. Dans un instant, c'est Dernier Entendu avec Daniel Robella. Très belle suite de journée sur Espace 2. Il est 17h.